Je pense que ce serait le moment d'aller écouter les meilleurs moments d'Assemblage requis de la semaine passée. Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'Assemblage requis pour la semaine du 27 octobre 2014. Un super beau chandail, un chandail de la Luître. Merci, match ce soir 20h, chasse-galerie gratuit. C'est lieu. Ah oui, un match de la Ligue On dirait que t'as eu comme un espèce de lavement de cerveau. C'est comme la fête la plus célébrée dans World of Warcraft. Non, il y a beaucoup de fêtes. Cool. Oui, c'est un vrai univers. Un vrai univers. Uh-huh. Incroyable. Au retour, ça va être David Ferron et sa chronique Les notes salées. À Assemblage requis. Restez là. Ça, c'est fou. Quand on a faim, c'est épuisant, ça applaudit de même. Hein? Ouais, c'est trop habitué de faire de l'exercice comme ça. Drôle. Non, je sais. C'est trop mal drôle. Ah, je sais. C'est une vraie Lise Dion. Tu trouves-tu grosse? Wow, attention! Je peux faire ça, t'as vu? J'ai le pouvoir de faire ça. J'ai tous les pouvoirs, moi. C'était vraiment horrible. Oh yeah! C'est quoi ça? Il y a une souris chez nous. Arrête donc, comment ça? Dans mon appart. Souris qui était mon. Qui était jockey dans les airs, puis elle s'est sauvée, puis on sait pas ce qu'elle est. David, il dit après le chat, tu sais, chat, va manger la souris. Mm-hmm. Mais tu sais bien que mon chat. Fait que moi, j'ai dit, on pourrait lâcher le serpent. Parce qu'il mange des souris. Ah ouais? Il dit, ouais, mais tu sais qu'après, il y a le problème de retrouver le serpent. Ouais. Ah, il y a ça. Mais c'est une clochette. Une clochette après la queue. À ton chum, non, je veux dire au serpent. Les notes salées. À 8h, on va avoir quelqu'un du bac vert pour parler de la semaine de moins de déchets. Genre. Restage. En ville sans mes déchets, comme on appelle. Sébastien Evgartin, qui se situe juste par là. Pour les gens à la radio, c'est par là. Oui, c'est super clair. Ça va bien? Ça arrête pas d'être clair. Oui, mais t'avoues, c'est tellement clair comment tu dis que même moi, je me retrouve pas. C'est aussi, tu sais, les petits jobs comme l'aide informatique avec les dossards là, mm-hmm. à la bibliothèque. Mm-hmm. Là, aussi, les informatiques sont encore sur le dossard. Ils passent pas encore à Windows Hard. C'est une joke de geek, tu sais, DOS. Oui. Avant Windows, ça avait DOS. C'est juste moi qui la comprends. Ouais, je la comprends, mais c'est pas ta meilleure. Tout à l'heure, on va recevoir quelqu'un du bac vert. On va recevoir quelqu'un. Donc, qui arrive par la poste. On a une petite slot dans la porte. Là, je suis disparu. S'il passe pas dans le slot de la porte. Alors, on dirait une chanson des Colocs si tu passes pas dans le slot de la porte. C'est la semaine de la réduction des déchets en ce moment. Mais moi, j'en ai bien gros de la marde. Voici, c'est un fait. C'est le moment de manger, d'ouvrir grand la gueule pour se s'insérer quelque chose dedans. Mais rien de sexuel dans ce cas-ci. Ah. Oh, donc, t'es pas prête. Voici une grosse pointe en dresse. Salut, Steph. Et salut, Matt. Hey, on était... Pohéhé, si tu veux. Tout le temps le contraire mais de moi. Non, mais je veux juste te répondre. Ah, OK. C'était cute. Passé une fois. Non. Ça me rappelle une pub qui dit « Ah, si seulement on pouvait le faire plus qu'une fois par semaine. » Je sais pas pourquoi tu prends cette voix-là, c'est parce que c'est toi qui dis ça. Ben raison. On peut pas le faire plus de deux fois par semaine. On va avoir une petite portion de temps pour faire une édition Halloween des instructions d'assemblage. Ah! Ça m'intéresse. Ouais, mais avant ça. Tout le reste, c'était juste de la... Non, soirée. Ah, jusqu'à maintenant, là, hey, ça vole pas haut, là! Il nous reste 24 minutes environ à l'émission. Oui, je te dirais maintenant 23, parce que le temps passe vraiment vite. Ça a changé de minute en même temps, Sunmi. Je te dis, ben ça se peut, ça doit être comme connecté au même endroit. Peut-être à un Internet de mort, Lucien. Mais c'est le même! Au moins, des fois, quand il marche, il est fin. C'était les meilleurs moments d'Assemblage requis pour la semaine du 27 octobre 2014. Vous avez toujours avec une semaine de délai, bien sûr. C'est ce qu'on fait, c'est la règle, c'est automne. Retrouvez-nous, Stéphanie Paradis et moi, Mathieu Plante, à Assemblage requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. En direct à partir de 7h30, dis pas fort. Hein? Si on dit pas fort, personne va l'entendre.